De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves, comment ça va ? Mais très très bien, et toi ? Ça va, merci. Tu es facilitatrice relationnelle. Oui. Hein, c'est quoi ? Alors, mon métier, ça consiste à donner des outils, soit par des formations, des ateliers ou des accompagnements individuels pour faciliter la communication entre les gens. Et ça commence souvent par le fait de se connecter avec soi-même, d'être bien en communication avec soi-même pour ensuite mieux communiquer avec les autres. Et tu nous proposes chaque semaine des outils, les fameux outils de Noémie pour mieux communiquer. La semaine dernière, tu nous as parlé du message clair. Oui. Eh bien, on continue la suite logique. Hein, et je vous invite, bien sûr, chers auditeurs, à aller écouter toutes les chroniques. Il y en a presque une vingtaine maintenant de disponibles en podcast. Aujourd'hui, la demande. Voilà. Alors, en communication non violente, qui est l'un de mes outils de prédilection, pour demander quelque chose à quelqu'un, c'est important de répondre à certains critères pour qu'elle soit bien entendue et qu'elle soit perçue de manière non violente. Il faut demander quelque chose qui soit réalisable pour l'autre. C'est-à-dire que si je veux que mon enfant de 5 ans ou 7 ans, il ait une chambre nickel chrome tous les jours, sans bazar, peut-être que c'est un peu trop lui demander. Donc on peut lui demander quelque chose de réalisable, c'est une fois par semaine, on range la chambre ensemble, par exemple, pour lui apprendre. C'est important aussi que la demande, elle soit claire et précise. Plutôt que de dire « je veux que ta chambre soit nickel », on va être plus précis. On n'a pas la même référence de nickel non plus. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est lui dire, ta chambre, elle sera rangée quand tu auras plus d'objets par terre, quand sur ton bureau, il n'y aura que la trousse, quand sur ton lit, il n'y aura que tes doudous. Voilà, on va réussir à clarifier les choses. Si aussi, on met une échéance, ça favorise vraiment grandement la réalisation de cette demande. J'aimerais que, je reviens dans 15 minutes, j'aimerais que d'ici là, dans ta chambre, il n'y ait plus d'objets par terre et que la trousse sur ton bureau. Et dernière étape, c'est négociable. Qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est possible pour toi ? On ouvre la porte. Ou alors, on peut dire, on réfléchit ensemble à ça ? Donc, parce que si on est dans l'ordre, le directif, c'est tout de suite assez fermant. Même quand on est dans une relation hiérarchique, en fait, ça peut être vécu très mal. Donc là, quelque chose de réalisable, de clair, avec une échéance et avec une ouverture sur quelque chose de négociable, on va vraiment favoriser le fait que cette demande, elle soit entendue. C'est le cas pour des enfants, c'est aussi le cas dans le milieu professionnel. Tout à fait. Si on dit « tu peux me faire ça, s'il te plaît ?» Oui, alors pour quand tu souhaites que ce soit fait ? Et ça veut dire quoi, remplir ce dossier ? Tu veux que je t'envoie avant un brouillon ? On peut aider l'autre à clarifier aussi ce qu'il demande. Parce que c'est vrai que pour nous, des fois, c'est très clair, mais pour l'autre en face, ça ne l'est pas. Donc voilà, si on donne des objectifs réalisables à son équipe, dans sa demande, on va déjà aussi favoriser le sentiment de réussite. Il y a une démarche de petits pas, on y va petit à petit dans Alors, tout ça. C'est ça, c'est que si par exemple j'ai un objectif pour mon équipe, je veux qu'on ait organisé tel événement, eh bien on va se dire, on peut mettre en place quel est le PPPP, le premier petit pas possible vers cet objectif. Objectif, on organise une grande journée de porte ouverte pour notre entreprise. Quelle va être cette première étape ? Ou objectif dans mon couple, je voudrais qu'on ouvre plus le dialogue. Quelle est la première étape ? Est-ce qu'on lit un bouquin ? Est-ce qu'on choisit que notre première étape, c'est de prendre rendez-vous ensemble vers un sexothérapeute ou quelqu'un d'autre de spécialiste ? Quel est le premier pas ? Donc, quand on a une demande et qu'on est OK pour réaliser un objectif, c'est vraiment chouette d'arriver déjà à se dire, au lieu de se dire « c'est super loin », quelle est déjà la première toute petite chose que je peux faire pour engager la dynamique, en fait ? Le premier petit pas possible. C'est ça. PPPP. Oui. Merci, Noémie. Je t'en prie. La prochaine fois, on parlera de quoi ? Alors, je vais commencer à parler des choses un peu plus peut-être désagréables, c'est de parler du conflit. Bon, rendez-vous la semaine prochaine, il faut en parler. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un conflit ? On en parle la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.